Yeah. Hey, yo. Nightlife. Ça y est, la sauce du mixtape. I know what I know, man. Comics en nocturne. Je le porte tout, man. Passation spéciale, Murphy. J'en connais. Let's go. Je connais juste assez de shit pour savoir que c'est de la marde. C'est que le rap bullshit. Ok, c'est quoi le style? Mon style est big. Puis touche assez de monde pour que ça foule les sales vides. Pop shit, drop, oh. Un petit rap, yo, check le flow. Yeah! Woo! Yeah! Pop stopper, vas-y drop hater. Un petit rap, je le sais, j'te futur hitmaker. Money maker dans mes temps libres. Ok, j'essaie de fouler les salles vides. Ok, j'rap, j'ai mon flow. Je sais que c'est pas juste ce qu'il faut. Mais de toute façon, c'est ce qui blow. Si t'es là pour me juger, essaye pas, tu pourras pas anyway. T'es là pour repartir à. On partir à pied, so fuck that, mon bang. Un beat y rap, ok, j'suis là pour rap mon bang. Mon équipe, mon big, mon crew est big, il large, y amène, boom boom. Ok, mon beat y rap, connect avec toi, boom boom. Check ça, mon shit, mon drag, mon swag. Mon beat y rap, ok, j'utilise toujours mon swag. Ok, j'ai pas besoin de rock me back. Je sais que mon team, y shine comme un rock band. Boom big shit. Mon beat money, hit shit. J'connais juste assez de shit pour savoir que c'est de la marde. C'est que sur le rap bullshit, ok c'est quoi le style? Mon style est big, il touche assez de monde pour que ça foule les sales vides. J'connais juste assez de shit pour savoir que c'est de la marde. C'est que sur le rap bullshit, ok c'est quoi le style? Mon style est big, il touche assez de monde pour que ça foule les sales vides. Faut que les sales vides, ok je sais, il faut que ça blow up. Je le sais, les places, ok il faut qu'on les full up. Si j'comme au monde, je sais, on peut remplir le spot. Merle, beat it up, ok, j'veux juste donner check drop, shit die. Oh oh, Merle, beat it up, pas besoin de coller les popos, y'a pas de violence. Que j'veux de Longville Town jusqu'à l'ancien island. Beat it up, ok, j'peux aller l'autre côté de l'island. M'en fous, Longville Town, Montréal Nord, Montréal Est, Montréal Ouest. M'en fous, j'peux aller red dans n'importe quelle zone de stress. Pas de beef avec personne, un gars de contact, faut que ça paye, mais y'a pas juste le rap. Fait que j'allume mes headlights, j'évite le trafic nocturne. J'ai coté le shit, mon chou courant que la roue tourne. Pas juste la route de la fortune. Fuck you, mon beat rap pour plus qu'une raison. J'connais juste assez de shit pour savoir que c'est de la marde. J'ai que sur le rap bullshit, ok c'est quoi le style? Mon style est big, il touche assez de monde pour que ça foule les sales vides. J'connais juste assez de shit pour savoir que c'est de la marde. J'ai que sur le rap bullshit, ok c'est quoi le style? Mon style est big, il touche assez de monde pour que ça foule les sales vides.